mien. Peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage, c'est l'histoire des miens. Peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. Celui-ci c'est pour mon ancêtre. Le Rital raconte trop peu l'histoire. Peut-être la trouve-t-il trop sale. Comment fuir fier pour éviter la famine. Pris devant des cierges de retrouver un jour sa famille. Les larmes sont sèches mais le cœur est lourd. Comment faire pour que ta femme te rejoigne pour toujours. Mon suette et lui posa ses valises dans le Jura. Là il jura se faire respecter comme il se doit. Il construit une bâtisse, un immeuble pour les siens. Peut-être que personne ne voulait loger ses chiens. Les sales méthodes travaillées, le sourcil français. Pour surtout pas riposter aux attaques du chef français. Ici c'était ailleurs. C'était pas chez lui, bien qu'il ait tout fait. On lui a répété, voire même trop dit. Bien que beaucoup le respectaient ou le craignaient, la légende veut. Monsieur était 2 mètres, il mesurait. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé. Mais comme dans toute légende, y'a une part de vérité. Un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé. Mais comme dans toute légende, y'a une part de vérité. Un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. Le pointeur, lui, grandit dans la rue de la loge, sans éloge, celle que l'indigène appelait le coupe-gorge. La guerre des boutons, loin d'être une rigolade. Un racisme primaire, presque une ratonnade. Il grandit dans une atmosphère néfaste, bien qu'au grand air. Un film d'un bien mauvais cinéaste. Les sales macaronis, ouais, familiers. Avec les cousins réunis, prêts à tout défier. Beaucoup en ont pris des coups, mais des deux côtés. La force de l'italien, ce con, c'est qu'il veut pas abandonner. Supporte pas qu'on dise qu'il bouffe du chat. Avec la polenta, à tous les coups, c'est le pugilat. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. Mais moi, je suis qui? Un déraciné, à l'histoire enjolivée d'un pays où le symbole est l'ange et l'olivier. Une olive trop mûre, tombée à terre, écrasée, pressée à chaud sur du béton sale de cité. Un réveil trop dur lorsque l'on s'aperçoit que chez soi c'est ailleurs et qu'ailleurs c'est plus chez soi. Que les seules traditions qu'il me reste c'est la pasta. Et qu'en vérité, à pratiquement plus rien je ne crois. Que ma langue natale c'est un rabois de Tessie. Que ma culture est multicolore, bien ça j'apprécie. Des fois je me surprends à me demander pour qui je suis. Pour la France ou l'Italie, mais putain de merde qui je suis. Un déboussolé. Petit fils immigré bien formaté, ou comme ils disent, bien intégré. Écœuré d'apprendre que certains Rital, même vécu que les miens, aujourd'hui, pas de Front National. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y'a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. C'est l'histoire des miens, peut-être un peu enjolivé, mais comme dans toute légende, y'a une part de vérité, un voyage dans des souvenirs formant une toile. Des images, mes racines, mon chemin, mon pèlerinage. C'est pour les miens, ma gueule.